Bossuet, avocat des pauvres. Premièrement, extrait de son sermon sur le mauvais riche. Il meurt de faim, oui, messieurs. Il meurt de faim dans vos terres, dans vos châteaux, dans les villes, dans les campagnes, à la porte et aux environs de vos hôtels. Nul ne court à leur aide. Hélas, il ne vous demande que le superflu, quelques miettes de votre table, quelques restes de votre grande chair. Ô Dieu clément et juste, vous les avez fait grands pour servir de père à vos pauvres. Votre providence a pris soin de détourner les maux de dessus leur tête afin qu'ils pensassent à ceux du prochain. Vous les avez mis à leur aise et en liberté afin qu'ils fissent leur affaire du soulagement de vos enfants. Qu'on ne demande plus maintenant jusqu'où va l'obligation d'assister les pauvres. La faim a tranché le doute, le désespoir a terminé la question, et nous sommes réduits à ces cas extrêmes où tous les pères et tous les théologiens nous enseignent, d'un commun accord, que si l'on aide le prochain selon son pouvoir, on est coupable de sa mort. On rendra compte à Dieu de son sang, de son âme, de tous les excès où la fureur de la faim et du désespoir le précipitent.